بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم الولاء والبراء والعلاقة بالذبو للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. تخرج كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في كتابنا الولاء والبراء للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وأخذنا في الدرس السابق ما هو طبل المظاهر الحب مظاهر موالة الكفار. هل تستطيع أن تذكر شيئا منها؟ الكلام والملابس والبقاء في البلد، يعني التشبه بهم. نعم، بالكلام والملابس والسفر إلى بلادهم وبقاء إلى بلادهم والاستعمال الكامغي أيوة التاريخ فانتي الكفار المدح لهم. ومن أخطر ما يكون ما هو؟ واحد ذكر من نواقض الإسلام، ذكر واحدا منها من نواقض الإسلام. لا، يعني نصرتهم على المؤمنين. نصرتهم على المؤمنين. فدوا للسكوية كنتر المسلمين. تاسي نواقض الإسلام. طيب. وكنا زدنا الاستغفار لهم وترحم عليهم. لا زدنا والتحكم بقوانينهم. وهذا كذلك قد يدخل في نواقض الإسلام، يعني أنت تحكم بقوانينهم إذا كانت هذه تخالف الكتاب والسنة، تدخل في العقائد الكفرية والشركية التاغوتية. تمام. فاليوم سنأخذ ضد ذلك، وهو مظاهر موالاة المؤمنين، الشوز كي أمانة مونتري لامور بور لي كرويون. فبعضها تتكرر، فلا أعطيه التعليق. certaines se répètent donc on n'a pas besoin de commenter, on les lit. Et ceux qui ont besoin, s'il y a mis un exemple à citer ce genre de choses, on verra. Pas mal. Baqal, Hafizallahu ta'ala, Thaniyan, min mazahir mawalat al-mu'minin. Parmi les signes apparents d'amour pour les croyants. Awalan, al-hijratu ila bilad al-muslimin wa hajr bilad al-kafirin. Le fait de migrer vers les pays des musulmans et de délaisser ceux des kuffars. وهذا النفس الذي مر بنا في مظاهر موالاة الكفار، أن تعيش في بلادهم بدون حاجة بدون ضرورة. فقال الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفار لبلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين. الهجرة هي الفرار من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لفرار بالدين. ففي هنا مسألة دائما نذكرها، c'est la qadiya des sahaba qui sont partis au Habasha. Car certains ulama ont vu que tu peux faire la hijra dans un pays de kufr, allazi fihi ad-darar aqal. Les nuisances sont moins graves. Tamam. Et ça c'est un qawl que des ulama ils ont eu. Mustadillin bi qissat as-sahaba ila al-Habasha. La preuve c'était l'histoire des Ja'far ibn Abi Talib et les autres sahaba qui étaient avec lui qui sont partis au Habasha. Mais la réalité de ce qawl, c'est que à l'époque, il n'y avait pas de pays d'islam. Ils ont trouvé ce qu'il y avait le mieux dans ce qui était présent devant eux. Il n'y avait pas de pays d'islam. Donc ils ont trouvé ce pays-là. Mais aujourd'hui, avec le pays d'islam, tu n'as pas à aller dans un pays de kufr, tu vois, pour faire ta hijra. Si tu y vas, ça ne s'appelle pas une hijra. Par exemple, on dit que tu es en France et tu es dans un autre pays où tu peux faire ça pour ta religion, mais c'est un pays de kufr, ça ne s'appelle pas une hijra, ça. Shad'iyya. Tu vois. Tu peux dire firar bid-din, j'y fuis avec ma religion, ama al qasd min al hijra an tadhhab ila bilad al islam. Fahamtani? Donc les gens ne savent pas avoir, l'autre il part en Angleterre et dit je suis muhajir. Il n'était pas muhajir. La hijra shar'iyya, c'est pas celle-là. Peut-être c'est la hijra lughawiyya, t'as un émigré, non? Mais la hijra shar'iyya, c'est l'intikal min bilad al islam, l'intikal min bilad al kuffar, ila bilad al muslimin. Tayyib? على طلب الفرار من الدين بالدين، فرارا بالدين. Et d'ailleurs, une fatwa qui est connue de Cheikh Al-Abbad, qui a été interrogé sur un frère qui était en Italie, je crois. Il a dit, je suis muhajir. Il a dit, hey, hijra, hijra tatouyour. C'est l'immigration des oiseaux, ça. Alors, il a dit, c'est pas une hijra, ça. Hijra, c'est vers le pays d'islam. Et aujourd'hui, on en a plein, du fort de l'Illah. Donc, il y a pas, si t'as pas de haja, un truc que t'auras pas en pays d'islam, toi, dans ce pays-là, une daroura, comme on dit, à chaque fois, la daroura, pas besoin de la citer. On sait que la daroura, tu vois, toubih al-mahazir. Tu vois, on sait qu'elle, en permet les choses interdites. Mais à la base, si t'as pas de besoin, tu vas en pays d'islam. Faire ta hijra. C'est ça, la hijra. À la base. Et même toi, normalement, quand on wala ou al-bara, comme on a lu, tu veux aller chez tes frères. Même si le pays de Kufra où tu vas, tu peux même faire ta religion, tu vas toujours chez les ennemis d'Allah, chez les Kufars. Donc normalement, ton iman qui fait que tu aimes pour Allah, tu détestes pour Allah, fait que tu vas aller vers tes frères, à la logique. طيب. ثم قال والحجرة بهذا المعنى لأجل هذا الأرض واجبة باقية إلى طلوع الشمس من مغربها عند قيام الساعة. Donc la hijra dans ce sens-là, c'est ça la hijra. L'objectif de la hijra. Et celui qui l'a fait pour dans ce sens-là, elle est obligatoire. Et demeure jusqu'à ce que le soleil se lève de son maghreb, de son couchant. Même jusqu'à ce que l'heure arrive. C'est-à-dire la hijra, matant kotia. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, latant kotia ou l'hijra, hatant kotia à tauba, ou latant kotia à tauba, hatta tatla rachin se maghrebiha. Pour les gens qui disent à l'époque, à cette époque, il n'y a pas d'hijra. Dit, comment? Le hadith, il est clair. Là, t'en quand tu hijra, hatta t'en quand tu as tauba. Comment tu dis, il n'y a pas de hijra à cette époque-là? Il dit, elle est plus dure, certes, mais elle est toujours là. Et celui qui en paye de couf, il croit à cette époque-là, il n'est pas à l'abri d'Arted. Toujours. Donc, la hijra, elle est là pour ça. Tu vois. Et l'yom, akmetoub lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parché pour votre religion. La religion, en classe, il n'y a pas aujourd'hui, c'est fini. On dit non, c'est pas fini. Et t'as des adilés wadiha qui montrent qu'elle est wadiba. Pour celui qui ne peut pas faire sa religion, et qu'elle ne cesse pas jusqu'à ce que l'heure arrive. Tu vois? Du moins que le signe de l'heure, le plus grand, c'est celui de le lever du soleil, de son couchant, là où la tauba s'arrêtera. Et les œuvres sont acceptées, ne seront plus acceptées. Donc, jusque-là, tu peux faire la hijra, tu vois? Elle est toujours là. Et elle n'est liée qu'à toi. Tu vois? Elle n'est liée qu'à toi. Toi et ta niya. ثم قال وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين فتحرم على المسلم الإقامة في بلاد الكفار إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة منها أو كان في قامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام. Donc il dit, donc il est interdit aux musulmans de résider dans les pays de kuffar, hormis pour celui qui serait incapable de faire la hijra, d'en partir, ou que sa résidence là-bas aurait un intérêt religieux pour lui, comme le fait de faire da'wa ou le fait de propager l'islam. Et ça, on en a déjà parlé. Dans le ders, on en a déjà parlé. Ce qui est de rester pour faire da'wa. Il y en a d'autres aussi, comme Sha'ofem, il dit qu'il y a une maslaha de rester, par exemple, comme les ambassadeurs, ce genre de choses. Tu vois? Il y a une maslaha. Mais même ces gens-là que tu les regardes, c'est pas des gens moustapimine. Il y a même les chourouts qui ont été émises, c'est pas des gens qui représentent vraiment l'islam qui appellent à ça. Quand tu les vois, ils sont, l'autre jour, on a vu le, malgré nous, l'image du représentant de l'Arabie Saoudite américain, je l'ai vu, franchement, j'étais choqué. Tu vois, rasé de la tête au menton. Tu vois, la tête au menton rasé, en costard bien repassé, cravate et tout. C'est choquant. Tu dis, Arabie Saoudite en plus. Quoi, tu m'aurais dit un autre pays peut-être, tu vois, mais l'Arabie Saoudite c'est marlouf. C'est des gens, ils ont encore le côté traditionnel dans leur état, dans les hauts placés. Et comme il était là-bas, bah lui, comme on dit, ils sont dans la masse. Et on pleurait mon tour, j'aurais jamais dit ça à Saoudien. Jamais. Et pourtant, voilà. Et même ça, chez Abraham, il a dit, ces gens-là, aujourd'hui, c'est souvent, c'est parmi les plus grands foussards. Ambassadeurs et tout, c'est des gens, souvent, ils sont là, ils aiment le pays où ils sont, ils vivent comme eux. Et toi, tu viens Moultazim ou quoi, ils t'aident pas. Tu viens avec ta barbe, ton camis, c'est ton apparence sunni. Tu vois, ils t'aident pas trop. Sallallahu alayhi wa sallam. Souma dhakara l'aya. Ayat al-Malaika. فقال ثانيا مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. Donc le fait de sauver, de secourir les musulmans et de les aider par la personne, par les biens et par la langue dans ce dont ils ont besoin pour leur religion et leur vie mondaine, leur dunya. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Dans le sens où il dit que les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. وقال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا عليكم بينكم وبينهم ميثاق. Dans le sens où il dit que si vous demandez secours en religion, alors secourez-les, à part en vue d'un pacte que vous auriez conclu avec d'autres personnes. Ouais, que tu ne vas pas les sauver contre un peuple avec qui tu as déjà fait un pacte. Ouais. Et encore ça, c'est des arkhem qui vont loin. Mais quand les muslims t'appellent à ce que tu secours pour sa religion, tu dois l'aider. Mais quand t'es arrêté. Et alhamdoulilah, on a vu, alhamdoulilah, dans nous à Damesh, que beaucoup de gens ils ont aidé, tu vois. Le haq yuqal, parmi les gens extérieurs, beaucoup ils ont porté leur soutien, nasallallah, an yajzihum khayra. Naam. تمام. قال ثالثا التألم لألمهم والسرور بسرورهم. Le fait d'avoir mal pour leur douleur, parce qu'ils ont mal, tu as mal avec eux, et que lorsqu'ils ressentent de la joie, tu as de la joie pour eux. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين أو المسلمين في تواديهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام المؤمنون للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا والشبكة بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. Donc il dit l'exemple du muslim, des muslims entre eux dans leur affection, de leur tendresse et leur miséricorde est comme un corps unique. Que si une partie du corps se plaint, l'autre partie également en subira. Par exemple la fièvre ou la douleur, ce qui y ressemble. Et ça, là-bas, c'est le fait de veiller. Et il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, que le croyant pour le croyant est comme un édifice. Il se consolide les uns les autres. Vous voyez ? Et ensuite, il a croisé entre ses doigts. Hada wa shan al-mu'min. C'est l'entraide. Vous voyez, la solidarité, mais l'illah. Pas pour le pays, pas pour la race, pas pour je ne sais quoi. L'illah. Car t'as des gens qui s'entraident entre eux. Tu vas trouver chez les koufars, ils s'entraident. Mais il y a un cause derrière. Même, donc c'est baratil. Et chez les muslims, tu vas trouver certains, ils s'entraident entre eux. Mais c'est pas l'illah non plus. Des fois c'est par nationalisme, ou par esprit tribal, ou ce genre de choses. C'est pas l'illah. C'est-à-dire, un autre muslim aurait le même problème que celui-là, il n'aiderait pas pareil. Surtout, il n'aiderait même pas. Même tout ce qui vient d'un autre pays, parce qu'il n'est pas sa tribu, ou parce que d'autres raisons, ils ne sont pas légiférés. À la base, tu es ton frère tant que tu peux. بقدر استطاعتك كما قال بالمال بالنفس مثلا par ta personne. Si c'est un jihad, ce genre de choses, tu peux l'aider, tu l'aides, participe avec les shurut. Tu peux pas participer physiquement, tu as des moyens financiers matériels, tu le contribues sadaqa ou ravitaillement, ce genre de choses, tu fais ce que tu peux. Et lisan bidoua. C'est le doa pour lui, beaucoup de doa, où tu incites les gens qui peuvent aider, tu fais intercession pour eux. Tu vois, al-shafa'a. Man dal al-khayr kafa'ili. Celui qui démontre un bien est comme celui qui l'a fait. Tu incites les gens à aider cette personne-là. Naam. Et toi, t'es ma'jour en faisant ça. Sans non plus faire tasawul. Sans tomber, par exemple, quand c'est une demande de bien, la mendicité. Tu indiques. Tu dis, par exemple, un tel, je connais dans le besoin, aidez-le. Comme a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas la mendicité. C'est pas, donnez-moi pour lui. Non, on te dit juste, toi, tu connais un tel dans le besoin, fais, aidez-le. Tu prends rien, toi. Tant que les gens, ou ça se trouve, lui, t'as confié la charge. Il dit, ramasse pour moi. Alors, je peux pas, je suis incapable, là, je suis coincé, fais-le pour moi. Là, c'est wakal. Tawkil. Et là, il t'a rendu représentant pour lui. Là, c'est autre chose. Tu parles en son nom. Mais de toi-même, tu viens faire, comment on dit, faire une quête, une récolte pour quelqu'un qui t'a pas demandé à la base, même s'il a besoin. Toi, contente-toi d'indiquer. Dis aux gens, aidez-le, il est là-bas, allez le voir. Comme ça, toi, hein, tu t'évites les fitnes. T'évites les fitnes. Et les fausses accusations et les problèmes que tu pourrais éviter facilement. À part dans des cas où, vraiment, comme on dit, t'es représentant. Par exemple, un responsable t'a dit, c'est toi, t'occupes de ça. Tu ramasses pour ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Là, c'est autre chose. T'as été désigné pour ça par quelqu'un qui est responsable de la chose. Ça, c'est autre chose, c'est pas pareil. À la colline, tu عين اخاك بقدر استطاعتك ويكون الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. Que Allah ce sera dans ton aide, dans ton secours, tant que tu seras dans l'aide de ton frère. Donc toi, t'es pas perdant parce que ça. T'as que du khayr. Même toi, t'es ma'jour, et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même t'aidera. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Abbas, il s'est en tête dans ce général. Dans l'aisance, tu te rappelles d'Allah, et se rappeler d'Allah, c'est dans plein de choses. Même aider ton frère. Ce que tu fais pour Allah. Et le jour où toi tu es en difficulté, Allah se rappellera de toi. Il a trop le fait. Il a trop le fait. نعم ثم قال ربي النصح لهم ومحبة الخيل لهم وعدم عشهم غشهم وخديعتهم. Le fait de les conseiller, à prodiguer conseil, d'avoir de l'amour envers eux, d'aimer le khayr pour eux, d'aimer le bien pour eux, de ne pas les escroquer, les tromper, ni les duper. في هذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Le hadith, le fameux hadith qu'aucun d'entre vous n'aimera ou plutôt ne croira vraiment de la véritable foi, là c'est pas du kufr. C'est Kamel al-Iman. Tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Wa qala al-muslim wa al-muslim la yahqiru wa la yakhdhuru wa la yusallimu bi hasbi mar'in min shar an yahqira akhahu muslim. Fa kullu muslimin al-muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Donc il dit que le musulman est le frère du muslim, il ne le méprise pas, il ne l'abandonne pas, il ne le livre pas. Et il suffit au musulman comme mal qui méprise son frère. Cela seul suffit, que ce soit un mal, qu'il ait du mépris envers son frère. Et que chaque musulman sur l'autre musulman est interdit. Son sang, ses biens et son honneur. Ça c'est la base. D'accord? La base c'est que le musulman, son sang, tant qu'il n'a pas commis ce qui amène à ce qui subit une sentence, son sang est sacré. C'est bien pareil. Tant qu'il n'a pas commis ce qui amène à ce qu'on prenne de ses biens, de force, c'est pareil. Et le hird, tant qu'il n'est pas mis un cas où il faut éclaircir son cœur aux gens, son hird est sacré. Et même quand tu parles de lui, il y a des shurut, c'est pas tu dis n'importe quoi non plus. Tu éclaircis son cas. Nushan l'umma. Pour conseiller l'umma, et peut-être pour lui aussi qu'il revienne de son mal. Que ce soit un muttadir, ou un fa'asir qui fait du mal aux gens. De façon apparente. Il y a des cas, mais là-bas c'est que t'as pas à le faire. Pas à parler sur le musulman, ni à prendre ses biens, ni à toucher à sa personne. Allez, physiquement. وقال عليه الصلاة والسلام لا تباعدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم ولا بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Donc il dit, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos les uns les autres. El tanajush, c'est quoi? C'est le fait de vendre, une forme de vente trompeuse. Comment dire? Que tu veux acheter un produit et qu'il y a une alliance entre le vendeur et un faux client. Et le client il vient, il dit, oh, ça l'intéresse. Afin que toi, ça te donne envie d'acheter la marchandise. Mais lui, à la base, il ne veut pas l'acheter. Et qu'aucun d'entre vous ne vende sur l'autre. C'est-à-dire, quand tu vends un truc, ton frère, il vend une chose, il ne vient pas vendre par-dessus lui. Par exemple, toi, tu as un accord avec un frère, il est en train de négocier avec toi pour te vendre un truc. Toi, tu viens, moi, j'ai la même chose, mais en plus cher, moins cher, viens me voir, laisse-le lui. À la même chose. Soyez des serviteurs d'Allah en toute fraternité, frère. Car ces choses-là amènent à quoi? Toutes ces choses-là amènent justement à la haine entre les musulmans. Ce genre de choses. Naam. Qale khamisan. Ihtiramuhum wa tawqir wa adam tanakusihim wa aibihim. Le fait de les respecter, d'accord, et de ne pas les négliger et les sous-estimer. Dans le sens, réduire de leur rang, les rabaisser. Donc Allah Ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, la yaskhar qawmun asan yakunu khayran minhum, wa la nisa'un min nisa'in asan yakunna khayran minhun, wa la talmizu anfusakum, wa la tanabazu bil alqab, bisa ismu alfusuk ba'da al-iman, wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ya ayyuha alladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhann ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. Dans le sens où il dit, oh vous qui avez cru, que ne se moque pas un peuple d'un autre, il se peut qu'il soit meilleur que eux, ni des femmes d'autres femmes, il se peut qu'elles soient meilleures. Et ne vous lancez pas des sobriquets, comme on dit, des surnoms comme ça moqueurs, abaissants. Et quelle mauvaise chose, quelle la perversion après avoir eu la foi. et celui qui ne se repent pas, alors ceux-là sont les injustes. Ô vous qui avez cru, évitez beaucoup de suspicions. On va dire le mot suzon, les mauvaises pensées. Car une partie de la suspicion est un péché. Il y a la part de zunun en sen haq. Des fois, tu as des indices qui t'amènent à avoir des pensées envers quelqu'un, hein, qui sont réelles. Mais beaucoup, c'est du mensonge. Comme le Nabi Sallam, il n'a akzab al-hadith, al-dhan, fi hadha al-ma'na. Que le plus menteur des choses, c'est les suspicions. Et souvent, beaucoup de problèmes partent comme ça. Un suzon sur quelqu'un, alors qu'il n'a rien fait, et là, tu construis des montagnes sur lui à la fin, que tu t'expliques qu'il n'y avait rien du tout. C'est juste à wasawi, c'est suzon. Faire très attention à ça. Ça amène beaucoup de problèmes. Et ne vous espionnez pas les uns les autres. D'accord? Et ne médisez pas. Ni est-ce qu'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Ça, vous le détesteriez. Après, il dit, craignez Allah, car certes, Allah est grand accueilleur, repentir et miséricordieux. Donc tout ça, ça rentre dans quoi? Fi hukuk al-insan, donc on a, qui ont suivi précédemment, hein, fi irdi, en son honneur. Le fait de donner des sobriquets, des surnoms qui ne conviennent pas. Mais attention, il y a des cas où des gens, comme les gens de la bida, il faut les rabaisser. Ihanat al-mubtadi'a min manhaj al-salaf. Mubtadi', d'accord? Lui, les salaf avaient pour habitude de le rabaisser. Parce que lui, il s'en prend à la religion. C'est une forme de trahison envers la religion, donc lui, tu peux le rabaisser. Mais avec des limites, c'est pas du n'importe quoi non plus. Mais il n'y a pas d'irtiram, comme on dit, la karamata. Pas de respect, pas d'honneur. Et le mutadia, il y a tafawatun. Certains sont pires que d'autres, c'est pas tous pareil. T'as des têtes meneuses, t'as des suiveurs, et t'as des ignorants, ainsi de suite. C'est pas tous pareil. C'est pas tous pareil. Ça dit ça. أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء. Donc, sixièmement, qu'il soit avec lui. Ça suit un peu le quatrième, celui-là, le sixième. Qu'il soit avec lui dans le monde de difficulté ou de facilité ou de dureté ou d'aisance. C'est pas quand tout va bien, t'es là, quand ça va pas, tu t'en vas. T'es avec lui tout le temps, autant que tu peux. C'est pas t'es un opportuniste, comme on dit. بخلاف أهل النفاق الذين يكونون مع المؤمنين في حالة اليسر والرخاء ويختلون عنهم في حال الشدة. كي car le fait d'agir de la sorte, cela c'est comme les munafiqun qui sont avec les mu'minin lorsqu'ils sont dans la facilité et l'aisance et qui les délaissent, c'est-à-dire lorsque c'est la dureté lors de l'épreuve. قال تعالى الذين تربصون بكم إن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان الكافر نصيب قالوا ولم نستعوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. Donc il dit ceux qui vous guettent, hein, lorsque vous avez, on va dire, une victoire qui vous prend dans Allah, ils disent n'étions-nous pas avec vous, hein, et lorsque c'est le côté inverse pour les koufars, ils disent aux koufars n'étions-nous pas avec vous, nous avons empêché d'être atteints par les muslimines. Et ça, c'est du nifaq, l'agent de la sorte, parmi les signes de nifaq. Que t'es avec les musulmans quand ça va, et quand ça va pas, t'es avec leur ennemi. T'es avec celui qui, en fait, qui a la victoire. T'es muzabzab. Thum maqal. Sabian. Ziyaratuhum wa mahabbat al-iltiqa bihim wa l'ijtima' ma'hum. Le fait de les visiter, et d'aimer leur rencontre, et de se réunir avec eux. Wa kullu hadha ya akhana min al-kalam 'am. Après lui, il va venir un chapitre qui amène justement qui sont les gens qui méritent une bonne mahabba et ceux qui en méritent moins parmi les musulmans, parce que ce sont pas tous égaux. C'est-à-dire ça, c'est le haq des musulmans umouman. Maintenant, t'as des gens, par exemple, tu leur fais le hajj, tu leur parles pas. Ce genre de choses. Ça, c'est un kalam am qu'il est en train de dire. Le os, c'est ça. Après, il y a du cas par cas qui vient. Et après, il lui va citer les gens qui méritent la mahabba parmi les musulmans, ceux qui les méritent moins. Et ceux qui ne méritent pas du tout de mahabba. Et ça, c'est les koufars. C'est pas pareil. Baqal, fi le hadith al-Qudsi, wajabat mahabbati li mutawazirina fiyya. Il dit que mon amour, voyez, est obligatoire pour ceux qui se visitent en moi. Wa hadha min adilat sifat al-mahabba lillah. Que Allah il aime. Et que c'est pas sifat, comme des gens disent que c'est une sifat de da'f. Adal yadul ala da'f. Car l'amour, c'est le fait d'avoir un penchant pour l'autre, ça amène à se rabaisser un peu, l'affection. Il y en a qui disent que, maya salah lillah. فهمت؟ والمحبة من صفات الله تليق به جل وعلا. وفي حديث آخر إن رجلين زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا فسأله أين تريد؟ قال أزور أخا لي في الله. قال هل لك علي من نعمة تربيها عليها؟ قال لا، غل أن يحب أحببته في الله. فقال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Donc il dit par exemple le hadith qu'un homme était parti visiter un de ses frères dans une contrée pour Allah. Donc Allah lui a envoyé un ange sur son chemin pour lui dire que veux-tu? Il dit visiter un de mes frères en Allah. Il dit as-tu un intérêt quelconque à y aller? Une chose que tu lui dois ou ce genre de choses? Il dit non, hormis que je l'aime pour Allah. Donc il dit, l'ange lui dit sache que je suis le messager d'Allah pour te faire parvenir que Allah t'aime comme tu l'as aimé en lui. T'as même? وادي كما قلنا من أدلة المحبة صفة المحبة ثابتة لله. ثم ثامنا احترام حقوقهم le fait de respecter leurs droits. فلا يبيع على بيعهم ils ne vont pas sur leur vente. وليصوم لصومهم c'est-à-dire qu'il ne met pas en valeur son prix de sa marchandise sur le sien. ولا يخطب على خطبتهم qui ne vient pas parler une prétendante que l'autre l'a déjà devancée. Un veut se marier avec une femme, il fait une khidba. Toi, t'as pas à venir faire une khidba par-dessus lui. Toi qui n'as pas eu la réponse. Qui n'as pas eu d'accord. Fahimt? Par exemple, demain, t'as fait une khidba avec une sœur. Elle n'a pas dit oui ou non. Et un autre frère aussi, il veut se marier avec elle. Et il vient derrière toi faire une khidba aussi sur elle. Alors que toi, rien n'était conclu. Ni oui, ni non. Donc il n'a pas à venir tant que l'affaire n'a pas été réglée. Pour toi en premier. À part s'il ne sait pas. C'est possible que des fois un frère fait une khidba sur un frère, il n'est pas au courant qu'un frère a fait une khidba. Mais là, ça laisse à venir. J'ai déjà eu une khidba. Tu vois, je réfléchis ou quoi. En ce genre de choses. Fumma qal fi riwaya wa la yasum ala sawmi. Là, c'est la même que c'est le fait de mettre en valeur. Ça revient au fait de vendre sur lui, quoi. Genre, toi, t'as une chose en valeur, avec un prix, toi, tu viens, tu le caches pour mettre ta chose en valeur par rapport à la sienne. Fait d'al ma'ana. Tayyib, ta'asihan, irufk bi du'afa'ihim. Le fait d'être doux envers leurs faibles, des affaiblis des muslimines. Comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laissa minna man lam yuwaqir kibarana wa yarham saghirana. Ne fait pas partie de nous ceux qui ne respectent pas nos grands, personnes âgées, et ne font pas miséricorde à nos petits, les enfants. Donc, alayhi salatu wa salam, hel tunsaruna wa turzakuna ilay bidu'afa'ikum. Donc, il dit, est-ce que vous n'êtes sauvés ou votre subsistance ne vous est accordée que par la cause de vos faibles? Les faibles. Ma huma da'ifan fil umma. Les deux affaiblis, qui sont-ils? Yutlaq et da'ifan al aman. المرأة مرأة واليتيم نعم سي باغ كلاب سي لا فام دو فاسون جينيرال اي ارميلا طبعا اضعف من المرأة سي لا فام انكور بلو فابل سي سيغ. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعداة والعشي يريدون وجهه ولا تغض عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا. Donc il dit patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir et qui recherchent son visage et ne te détourne pas d'eux, hein, en vue d'obtenir la parole de ce bas monde. C'est-à-dire que la dunya ne t'amène pas à délaisser tes frères parmi les affaiblis. Tends-leur la main, comme on dit. Because it's ta'atik tabran. Qala ashiran. الدعاء لهم والاستغفار لهم. Et ça c'est le contraire du dernier qu'on avait pris cité par le Shir dans le livre pour مظاهر موالاة الكافرين. Que tu invoques pour eux et que tu demandes pardon pour eux. قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Donc pardon pour ton péché ainsi que pour les croyantes et les croyants ou les croyants et les croyantes. وقال سبحانه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ô Seigneur, pardonne-nous ainsi que nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Qala tanbih. Amma qawlullah ta'ala, là il y a un radan shubuhat que beaucoup de gens ils ont. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Il dit qu'il ne nous a pas interdit ceux qui ne vous ont pas combattu en religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos maisons, d'être justes et équitables envers eux. Et certes, Allah aime les gens qui sont justes et équitables. قال فمعناه أن من كفى ذاه من الكفار فلم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم فإن المسلمين يقاتلون ذلك يقابلون ذلك مكافأته بالإحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي ويحبونه بقلوبهم لأن الله تعالى أن تبروهم وتقسطوا إليهم ولم يقل تولونهم وتحبونهم. Donc il dit que ceux qui n'ont pas commis de mal envers les musulmans, qui ne les ont pas combattus, qui ne les ont pas expulsés de leur maison, alors que les musulmans doivent en cela, en contrepartie, leur montrer de la bienfaisance. C'est-à-dire en étant juste avec eux dans les échanges mondains de ce bas monde. Cela ne veut pas dire qu'ils les aiment, d'accord, dans leur cœur. Car Allah dans le Coran, il a bien dit que vous soyez juste et équitable avec eux. Il n'a pas dit que vous les aimiez. Attention, il y a une différence entre être juste avec quelqu'un et aimer quelqu'un. À la base, on doit être juste avec tout le monde. Hein? Le muslim, j'anihi, an yakun adilan ma'al jami'a. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الآية. طيب soyez juste et équitable, ne serait-ce qu'envers vos propres personnes, même vos parents, ainsi de suite, comme dans le verset. À la base, t'es juste, même avec le kafir. Il a des hukuk aussi le kafir. Il y a des ahkam par rapport à lui, les échanges dans ce bas monde avec lui. T'as même donc le fait que tu sois un kafir, t'amène pas à faire tout ce que tu veux contre lui. Il a des droits. Si tu les enfreins, t'as commis un péché. Non pas par amour pour lui, mais pour démontrer justement al-adl alladhi yakunu fi l'islam, que c'est une religion qui est juste et équitable, que même le kafir a des droits, bien qu'on ne l'aime pas, on le déteste, d'accord, mais qu'il a des droits quand même, car Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des droits, donc ces droits doivent être respectés. Wa qal wa nadhiru hadha qawlu Allah ta'ala fil walidayn al-kafirin wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi. Donc il dit que si jamais il te force à m'associer quoi que ce soit dont tu n'as pas de science, alors ne leur obéis pas. Et donne leur compagnie, tiens leur compagnie avec, de façon convenable. Et ne suis pas, et suis par contre la voix de ceux qui reviennent vers moi. Waqad jaat Asma il Asma radhiyallahu anha tatlubu sirataha wa hiya kafira. فاستأذنت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال لها سري أمك. Donc dans l'histoire de Asma, quand sa mère est venue la voir, alors, c'était une kafira, mais elle voulait la visiter. Donc Asma a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle devait la recevoir. Il lui a dit entretiens une parenté avec elle, alors c'est une kafira. Là il va en parler encore. فقد قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. Et alors dans le sens où il dit, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah au jour dernier, aimer ceux qui s'opposent à Allah et son messager, quand bien même serait-ce leur père ou leur fils, et ainsi de suite les frères et la tribu, et comme dans le verset. فصلت المكافأة الدنيوية شيء. Donc l'entretien par reconnaissance et gratitude, hein, dans ce bas monde, c'est une chose. Et l'amour en est une autre. Que tu rendes le bien qu'on t'a fait, c'est une chose. Et que tu aimes quelqu'un, c'en est une autre. Hein, ne pas confondre entre les deux points. لِيَنَّ فِي سِلَتْ وَحُسْنِ مُعَمَلَةَ تَلْغِيبَ الْكَافِرِ فِي الْإِسْلَامِ فهما من وسائل الدعوة بخلاف المودة والموالاة فهما يدلان على إكرار الكافر على ما هو عليه والرضا عنه وذلك يسبب عدم دعوته إلى الإسلام. Donc il dit car le fait d'entretenir les liens de parenté et d'avoir un bon échange avec eux, cela le poussera et l'invitera et l'appellera à l'islam. T'as vu ? Cela, ça lui donnera envie d'entrer en islam. Donc les deux sont des moyens de faire da'wa. Fahimt ? Daniel Sile, Al-Mukafa. Contrairement à la mawadda, qui est l'amour et l'affection, car ces deux-là démontrent quoi ? Que tu cautionnes ce sur quoi il est. À partir du moment où tu l'aimes et que tu es affectueux envers lui, je parle d'une affection, à part peut-être pour les parents quoi, là le fait de s'allier avec lui, de l'aimer, cela démontre que quelque part, tu as un penchant pour ce quoi il est. Donc tu ne peux pas l'aimer. Et le fait de l'agréer également, et tout cela, justement, ça le repose de l'islam. Ça ne montre pas qu'il a tort. Demain, tu es un musulman et tu as une personne que tu convoitais avant l'islam, que tu fréquentais, qui était un ami à toi avant, à kafir. Tu t'es converti, par exemple, tu t'es repenti, et pas lui. Il est resté sur quoi il était comme kufr. Si demain, tu es gentil avec lui et tu restes comme avant que lui, il ne va pas voir la différence. Il ne va pas voir qu'il est dans le faux. Tu comprends ? Tu commences à rigoler avec lui comme avant, tu plaisantes avec lui comme avant, t'es copain avec lui comme avant, il va se dire, tant que la relation entre lui et moi, elle est là, c'est qu'il n'y a pas de changement, tu vois. C'est toujours mon copain, même s'il a une maison, il est converti, ou s'est repenti, ou il arrête des choses, mais il est toujours mon copain, regarde, il n'y a pas de mal entre lui et moi, on est amis. Donc lui, ça n'a pas de lui montrer qu'il est dans le fond, et le pousser à voir ce que tu as fait. C'est quoi la différence qu'il y a pour toi maintenant? Alors que s'aimer, même on dit que tu continues à bien te comporter avec lui, on va dire, sans pour autant lui montrer de l'amour, et de l'affection, il va voir qu'il y a une coupure. Il y a un truc qui va pas. Que tu as changé avec lui. Donc s'il a du khair, il va savoir pourquoi. Avant toi et moi, on est amis. C'est quoi la différence maintenant? C'est l'islam, tu veux le dire. Et c'est quoi l'islam? Tu expliques. Tu fais da'wa. Tu dis ce que tu fais, c'est du kouf. Tu n'as pas le droit. Allah, il t'a créé pour l'adorer, ce genre de choses. Toi, tu commets des choses que celui qui t'a créé n'agrée pas, n'admet pas. Tu l'appelles à l'islam. Bilati Hassan. S'il a du khair en lui, il va te suivre. Sinon, il va rester sur ce quoi il est. S'il reste sur ce quoi il est, tu peux pas être ami avec lui. Donc, le fait de montrer aux gens la vérité, c'est un appel. Mais, comme on dit, c'est double tranchant. C'est où tu vas l'attirer, où il va s'éloigner. Mais ça ne sera jamais pareil. C'est pas possible. Et si quelqu'un, tu vois, il est ami avec les gens comme avant son islam, son repentir, c'est qu'il n'a pas bien montré le voilà le bara, il l'a pas bien établi. Normalement, obligé, il y a une différence. Même de lui-même, le kafir, il s'éloigne de toi. Il dit qu'il voit, tu rôles plus avec lui, c'est plus le même blague, c'est plus le même truc. Lui-même, de lui-même, il va dire, ouais, lui, il devient lourd. Mais tu vois qu'il lâche pas et reste avec toi, c'est que tu l'as pas montré le fourcan, comme on dit. Le discernement, il l'a pas vu. Donc là, le khalal, il vient de qui? Il vient de toi. Pas de lui. Lui, il a pas changé, lui. C'est toi qui as changé. Donc faut que tu lui montres ce changement. D'où il vient et pourquoi. Et s'il a du khalal en lui, que soit au bout de 2 jours ou de 4 ans, ça va le travailler, faut pas croire, c'est le travail, des gens. Quand ils étaient copains avec toi, ils voient que tu le lâches, comme ça. Alors qu'il y a pas de dispute ni rien, mais c'est par rapport à l'islam, ça le travaille, faut pas croire. Ou ça va les noyer encore plus leur la rage, ou ça va l'attirer, quoi qu'il en soit. Mais toi, pas de tamayya, pas de concession. C'est pas que tu te rabaisses pour lui, pour l'attirer. Tu restes fier, la tête haute de ton dîn. C'est où tu viens avec nous, au sha'anouk. Tu vois? Mais c'est pas genre je vais faire style des concessions pour te ramener vers moi. Non, tu es un non-musulman. Non, t'as un kafir. T'as un mécréant. Tu le dis clairement. Et tu expliques c'est quoi un mécréant? Tu l'expliques clairement. Mécréant. Tu dis c'est pas je t'insulte, mais un mécréant, ça veut dire ça, ça, ça. Est-ce que tu reconnais que t'es comme ça? Il va dire oui. En islam, on appelle un mécréant. C'est tout. C'est pas je t'insulte ou quoi, mais c'est le terme que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a dit. Ya ayyuhal kafirun, la abuduna ma ta'budun, la abudu ma ta'budun. Tu dis vous appelez ya ayyuhal kafirun, il n'a pas dit ya ayyuhal ghayr muslimin. Hadahu. Mais tu lui montres tout ce que tu peux comme bon côté de l'islam, tant que tu peux. Tu vois, il y a des sujets, t'évites, tu peux éviter, pour pas le faire fuir. Et tu l'appelles Bilati Ahsan. Fakal, parce que sinon c'est lui qui va te ramener vers lui. On l'a vu. À la finale, c'est toi qui retournes en arrière. C'est toi qui retournes en arrière, c'est toi qui es perdant à la finale. Tayyib. Thumma qala wa kadhalika tahrim mawalat al-kuffar la ta'ani tahrim at'amul ma'ahum bi tijarati al-mubaha wa al-istirad al-bada'i' wa al-masnu'at an-nafi'ah wa al-istifadat min khibratihim wa mukhtara'atihim. Donc il dit également le fait d'interdire l'amour pour les kuffars, cela n'implique pas le fait de rendre illicite les échanges avec eux mondains dans le commerce, les échanges permis dans le commerce, dans l'importation des marchandises et des produits, et ainsi de suite, et dans l'industrie, et autres, et de profiter de leur expérience dans certains domaines. cela n'inclut pas cela. La preuve, il y a des choses qu'on peut apprendre chez eux. Quand il y a une forme de aïni, une chance qu'ils ont, dont les musulmans ont besoin, toi tu n'as pas. Le chien c'était au début. Tu peux aller dans leur pays pour apprendre cette science. Mais dès que tu as acquis cette science, tu rentres. Tu restes pas là-bas. Mais même pour y aller, il faut pas que ce soit n'importe qui y aille. Mais ça aujourd'hui, sur la charte, il est comme s'il était mardoum. Inexistant pour beaucoup de gens. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, istajara ibn Ariqd ou Ariqd al-Laythi liyadullahu ala tariq wa huwa kafir. Wastadana min ba'd al-Yahud. Donc le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a justement employé un kafir lorsqu'il partait faire la hijra avec Abu Bakr pour montrer la route vers le Medina, qu'il ne connaissait pas. Là, il y avait un besoin. Tu comprends? Là, il y avait un besoin. Et qu'également, il s'en détourne auprès de Yahoud. Parce que bon, que c'est permis. Tu vois, c'est permis. Mais tant que tu peux éviter, évite-le. Mais si un jour tu es contraint, c'est permis. La mahzoura fi dhalik. Wa ma zala al-muslimun yastawridun al-bada'i' wal-masnu'at min al-kuffar wa hadha min bab al-shira' minhum wa bi-thaman wa laysa lahum 'alayna fihi fadl wa minna. Donc les musulmans ne cessent justement d'apporter les marchandises et produits des kuffars, et cela fait partie de la vente de la chair, c'est du commerce. Et ce n'est pas, cela n'est pas un mérite des koufars sur nous. C'est du commerce, c'est tout. Fahimt? Ce n'est pas un genre comme s'ils étaient supérieurs à nous. Bien qu'il y ait des choses qui sont plus avancées, mais comme on a dit, leur avancée, elle est basée sur quoi? Sur beaucoup de choses interdites à la base. Beaucoup de leurs avancées sont basées sur des faits interdits. Donc on n'a pas à les jalouser et à les envier. Yom al-Qiyamah sera contre eux. Wa laysa huwa min asbab mahabbatihim wa mawalatihim. Fa inna Allah awjaba mahabbat al-mu'minin wa mawalatahum. Wa bourd al-kafirin wa mu'adatahum. Donc il dit, cela n'est pas une cause non plus d'amour envers eux, mais d'alliance. Car Allah a rendu obligatoire l'amour envers les croyants et l'alliance envers eux, et de la haine envers les koufars et l'animosité envers eux. Donc le fait que tu achètes un kafir, c'est pas que tu l'aimes. Pas du tout. Il a un truc qui t'intéresse, une marchandise qui vend, tu l'achètes. C'est tijara, mubah. T'as ça, c'est combien, tu apprends, tu t'en vas. C'est fini. T'as même وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قول الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض أو فساد كبير. Donc il dit dans le sens, Allah dans le sens où il dit, c'est à ceux qui ont cru et émigré et combattu par leurs biens, leurs personnes sur le sentier d'Allah, et ceux qu'ils ont abrités et secourus, ceux-là sont alliés les uns des autres. Misl, Hashan al-Muhajirin, wal Ansar. Regarde bien, Fadl, par rapport à ce verset, il a dit, ceux qui ont cru, émigré et combattu par leurs biens et leurs personnes sur le sentier d'Allah. Ma yalzem an tastashhad. C'est pas l'azim que tu meurs shahid pour avoir la récompense. Tu peux avoir la réponse du jihad, mais c'était pas mort. Fahimt? Naam. Ma'an al-shahada, ala daraja fil maut, le muslim. Le rab aussi. Fahimt? C'est normalement la shahada, c'est le niveau le plus haut que le muslim voudrait avoir. Mais, nasallallahu ala afiya, wa yusabbitana. C'est pas non plus, tu fais n'importe quoi. Tu dis, je vais te martyr, donc tu fais un, je sais pas moi, tu fais un truc qui a rien à voir. Non. La shahada, même si tu la demandes pour de vrai, déjà demande à la afiya, parce que si peu que tu, ce qu'elle demande, tu vas pas s'y porter. D'une part, hein, faut que tu sois sincère. Wa man taraba min Allah al-shahada mukhlishan bi qalbihi balagha Allah darajat al-shuhada wa law mata la firashi. Que celui qui vraiment il veut une shahada, il est sincère, même s'il meurt sur son lit, Allah lui donnera le degré des shuhada. Donc si tu es sincère, tu inchallah tu auras un degré haut. Ce sera pas comme un vrai shahid, bla shak, mais tu auras un degré haut. Fahimt? Mais lakin tasal Allah al-afiya daiman. Car la shahada, elle n'est pas facile. Et c'est pas tout le monde qui, quand elle est devant toi, je ne sais pas, elle vient furtivement comme ça. Parce que tu peux être shahid, malgré toi, sans l'avoir voulu. Genre, tu marches dans la rue, tu arrives une injustice, sans même que tu en aies rendu compte. Mais être face à la mort devant toi, et prouver tout ce qui va avec, comme épreuve, même dans ta tête, ça, c'est pas facile. Aller de l'avant, ça, c'est pas facile. Il y a besoin de fabette, et de tawfiq min Allah. Et c'est là, justement, tu vois le mukhlis du celui qui ne l'était pas. C'est, comme on dit, au pied du mur. Donc quand les frères disent je veux la shahada, je fais déjà entre Beinak ou Beinallah, à la base on sait que le muslim il la veut. À la base, le muslim on sait qu'il la veut, mais attention tu peux t'éprouver. Tu vois, tu peux t'éprouver donc, il y a un Hassan Cheikh, il y a l'ikhlas ou, comme on dit, la discrétion. Et on sait que tu l'as vu à la base. Tu vois? Il y a des moments où tu le dis. On sait, sur des fois, des situations, la personne le dit clairement. Il y a des moments où tu le dis. Mais quelqu'un, il est là, il n'y a rien à voir, commence à en parler. Moi, je veux, je fais. Attention, habba, habba. Des gens, ils l'ont dit, on avait des choses adibes d'eux. Tu vois? Des choses surprenantes. Au moment où ils pouvaient avoir ce qu'ils voulaient, la situation a changé. Donc, attention à ça. Donc, il dit, toujours dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il dit, et ceux qui ont mécru, ils sont alliés, certains sont alliés à d'autres. Et que si jamais vous ne le faites pas, c'est-à-dire que vous ne vous alliez pas au mu'minin, ce sera une grande fitna sur terre, un grand désordre. Si jamais ce verset tu contredis, c'est-à-dire que tu ne t'allies pas, d'accord, au mu'minin, c'est-à-dire que si tu ne crois pas, tu ne fais pas la hijra, et tu ne combats pas sur le sens d'Allah avec tes biens et ton corps, et que les autres ne t'accueillent pas, ne t'abritent pas, ne te secourent pas, d'accord? Et le contraire avec les koufars, cela amène à quoi? Une fitna sur terre et un façade. Donc la fitna, c'est pas de partir, c'est de rester. Ce n'est pas de mécroire. Ou plutôt, c'est pas de croire, c'est de mécroire. Et ce n'est pas de délaisser le jihad. Ou plutôt de faire le jihad. C'est le contraire. Donc les gens, ils ont pas compris des fois. C'est une fitna. C'est une fitna, elle est devant toi, le mashroua, c'est Allah qui la veut. Tu vois? C'est-à-dire, le jihad, là, il faut que tu l'as fait. Déjà, ils vont trop loin dans le jihad. Ils ont des afghans, ils vont trop loin. Et toi, là, c'est le contraire. Si on dirait, il y a rien du tout. On dit non. Le jihad, c'est, c'est un truc qui est mashroua. C'est Zoruatu Sadami. C'est le jihad. C'est le sommet. Tout ça que tu fais en islam, comme ibada, comme aqida et tout, le but c'est pour arriver à quoi? À la finale? C'est le jihad. C'est la fin. Tu vois? C'est le sommet culminant, comme on dit. Donc faut pas dire il n'y a pas de jihad en islam. Il y a un jihad en islam. Faut pas se voler la face. Parce que les koufars disent, tu dis jihad, t'es un jihadiste. Non, tu dis, le jihad, il y a des règles. On ne veut pas les enfreindre, mais le jihad, il existe en islam. Et c'est le sommet le plus haut. Et donc, tout musulman, au fond, normalement, c'est celui qui pense pas un jour à faire jihad ou quoi. C'est shurab ben nifaq. C'est comme s'il avait une branche de l'hypocrisie. Mais, comme on dit, bil ilm, wal basira, wal taqwa. Pas le Hamas. Pas genre, tu viens, tu mets une ceinture exposée, tu fais exploser au milieu des gens. Ou tu, je sais pas, tu cries dans la rue, ou tu es avec des drapeaux de Daesh ou de Qaïda. Tout ça, c'est baratil. Ça, c'est des moutadira. C'est pas un jihad chalal qui font, en général. Tu vois? Y a pas. Ça, c'est du Hamas. Et du jahil. Et en plus, ça fait du mal à l'islam parce que les gens servent de ça pour pouvoir salir les musulmans. Ada baratil. Mais le jihad, faut revenir aux gens de science, quand il a lieu, comment il a lieu. Et qui doit y aller et ne pas y aller. فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى dans ce verset ومعنى قوله إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. Dans le sens où il dit, si jamais vous ne le faites pas, c'est-à-dire les versets précédents, ce sera de grands troubles sur terre et un grand désordre. أي إن لم تجانبوا المشركين وتولوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة أو فتنة في الناس وهو الالتباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل انتهى. وقال قلت يعني الشيخ الفوزان وهذا ما حصل في هذا الزمان والله المستعان. Donc il dit le Hafiz Ibn Kathir que si jamais vous n'évitez pas les mouchriquin et que vous ne alliez pas aux mu'minin, alors il y aura une grande fitna au milieu des gens. D'accord? Et c'est le fait qu'il y aura la confusion et le mélange entre les koufars et les mu'minin. Et cela va amener un désastre qui va se propager dans le monde entier. Fin de parole de Nukathir et Charles Fozen, il dit, et cela c'est ce qui se passe exactement actuellement dans cette époque, voilà, au Moustahan. Et tu le vois aujourd'hui, qu'il y a avec les mélanges entre les mouchikines et les mu'minin, c'est un désordre pas possible. Les gens ne savent plus où est le haq, pas min al-baatil. إلى من رحمه الله. فاليوم أخذنا من مظاهر موالاة المؤمنين. قلنا الهجرة. طيب لا هجرة. قلنا مناصرتهم. لو فات دو لي سكوغير. قلنا التألم بألمهم والسرور بسرورهم. لو فات دوندورسير افيك eux. En toute situation. Dans leur douleur comme dans leur joie. النصر لهم ومحبة الخير لهم. Le fait de les conseiller, d'aimer le bien pour eux et le contraire. Ne pas aimer le mal pour eux. احترامهم وتوقير وعدم تنقصهم وعيبهم. Le fait de ne pas, de les respecter, de ne pas les mépriser. ثالثا, d'être avec eux en toute situation. Difficulté ou aisance. Sabian, ziyaratuhum wa mahabbat al-tiqa bihim, le fait de les visiter et de se réunir avec eux. Hatta hada yadkhul fi al-hijra. Parce que pour les visiter, on va dire, et le fait de les rencontrer, souvent c'est être en leur milieu. Tu peux visiter un frère dans un pays de couf, c'est faisable, mais c'est plus facile quand tu vis avec eux. Faminan, ihtiram hukukihim, le fait de respecter leurs droits. Tastihan, erifk, bi du'afa'ihim, le fait d'avoir la douceur envers leurs faibles. Ensuite, et du'a lahum wa istighfar lahum, le fait d'invoquer pour eux le nom de pardon. Après, le shaykh a fait la différence entre le fait de ne pas être injuste, d'accord, et d'être reconnaissant envers ce qu'ils t'ont donné comme bien, comme tes parents par exemple, et le fait de les aimer. Mawa sawa. Parce que des gens se servent de genre de verset pour dire, regarde, faut les aimer, ils sont égaux, il faut pas les léser. On dit non, faut pas les léser, mais on n'est pas égaux, il faut pas les aimer non plus. Et la siyama al-walidan. Les parents. Ce qu'on n'est pas en koufa, leurs droits sont établis par l'islam. Même si c'est un kafir, ton père ou ta mère c'est une kafira, ils ont des hukouk. Et met des limites à faire attention. Car t'as un amour naturel. Al-mahabba fil mahabba al-tabi'iyya. L'amour naturel, il existe. Naam. Fabi hadha al-kod naktafi wa nakul alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com.